mis sapes au bord de l'eau. Mais j'oublie pas mes problèmes. La calade peut toujours tirer dans l'eau. Allez viens, je t'emmène. Allez viens, je t'emmène. La barbade des Seychelles. La barbade des Seychelles. J'ai fait assez d'oseille. J'ai fait assez d'oseille. Assez d'oseille. Je t'avais dit qu'on ferait le tour du monde. T'as pris mon cœur en or, tu l'as fait fondre. La plus grande des braqueuses en vrai c'est toi. T'as tiré le gros lot en étant avec moi. Rien que je me lève tôt, comme mes potos. Ils sont sur moi, y'a pas que les fans qui prennent des photos. Ils m'ont mis au star mais jamais démoli. On commence sur la plage, on finit dans mon lit. Nardé, trop fraîche. Mon dauphin, grosse fesse. Une demi-seconde avec toi, j'oublie tout. J'ai des trucs à régler, on se revoit bientôt. On dîne chez moi, viens qu'on s'hiberne. Du champagne, des fraises, des diamants, des perles. Des fois je me dis, si tout ça c'était faux. Ils t'ont choisi pour me faire, non je suis parano. Allez viens, je t'emmène. L'épée sur le sable, au bord de l'eau. Mais j'oublie pas mes problèmes. La calade peut toujours tirer dans l'eau. Allez viens, je t'emmène. Allez viens, je t'emmène. La barbade des Seychelles. La barbade des Seychelles. J'ai fait assez d'oseille. J'ai fait assez d'oseille. Assez d'oseille. Un hélicoptère. On sait jamais, des fois que t'es mal de mer. Je t'emmène dans les airs. Fini la galère, dis-le à ton père. Je t'ai donné ma confiance, ne me déçois pas. T'es pas mon objet, mais bon, t'es à moi. Si t'as des interrogations, y'a mon casier. Pour très peu, je te taquine, mon vrai c'est ma vie. Ma chérie, j'ai beaucoup d'ennemis. Habitue-toi au fusil dans mon lit. Plus d'oseille, plus d'oseille. Ton doigt sur le globe et on finit au Seychelles. Je ne te dis pas tout, c'est mieux pour nous. C'est quoi ce petit sourire, tu veux plus comme époux? N'aie pas de stress, c'est la rue, que veux-tu? Je peux pas chez là, c'est ma maîtresse. Allez viens, je t'emmène. L'épée sur le sable, t'es au bord de l'eau. Mais j'oublie pas mes problèmes. La calade peut toujours tirer dans l'eau. Allez viens, je t'emmène. Allez viens, je t'emmène. La barbade des Seychelles. La barbade des Seychelles. J'ai fait assez d'oseille. J'ai fait assez d'oseille.